y'a de la tôle, y'a de la hesse, s'en sortir, briller. Y'a de la go, y'a de la liasse, pour sortir, briller. Épinay, c'est ma terre, trophée pour ma mère. J'suis trop frais, si t'éblouis, si t'fais jouir, c'est ma paire. Vrai rebeu, vrai dégradé, j'suis heureux, j'vais t'éclater. Vendre la beuh, crache heureux, c'est la guerre déclarée. Des principes, on n'a pas les mêmes, reine au VIP, on pas les M. Ton équipe, sans le falche, sans la Chine, sans les nems. La coca, la peufra, t'es KO, t'es piqué. La vodka, le kunja et ta go nous a pipé. Ouch, ouch, ouch. On court après le luxe, la routine après les billets. T'as beau perdre la lutte, la frappe va se plier. Je rappelle ça ma mute, faire la guise dans des filets. J'ai traîné dans mon ouch, ouch, ouch. Crier dans mon ouch, ouch, ouch. J'ai traîné dans mon ouch, ouch, ouch. Crier dans mon ouch. Les plus connus, c'est les plus claqués. Poussez-vous, ça va se taper. J'ai le flow, j'ai la rue, je vous tue, je la boue. Et flex, ça peut la constater. À l'école, c'était pas ça. À l'époque, j'étais pas sage. Si la reste, la fin vous matraque en R1 pour un braquage. Réussir sans mentir, t'inquiète, on peut le faire sans. Dans ma rue, ça tire, y'a plus de terrain que de commerçants. Dans mon hood, c'est Bogota. On crame tout, merci total. Les boucaves sont plutôt pâles. On te bouille avant que ton pâle. Apparemment, t'es si chaud. T'écarte les jambes comme un ciseau. Tu veux un fit, mais t'es ciseau. Je vais trop caler comme un physio. Tu pues la merde, t'as le cul à l'air. Tu parles de ouf, mytho. Père de famille, vrai ampli. Tu te fais viscère par un milo. Ouch, ouch, ouch. On court après le luxe, la routine après les billets. T'as beau perdre la lutte, la frappe va se plier. Je rassure ça m'amuse, faire la guise dans des filets. J'aime traîner dans mon ouch, ouch, ouch. Crier dans mon ouch, ouch. Je l'ai traîné dans mon hood, hood, hood. Crier dans mon hood, hood, hood. Tu fais des pompes, t'es balèze. En tête à tête, t'es à l'aise. Mais t'as que tes points, seul dans un coin. Calage, couche à la baleine. Le hood c'est chaud, on veut s'échapper. Tu touches du bois, je touche un chalet. La vie te braque, tu portes plainte. La nuit le craque, porte la chapelle. Cesse-moi, je suis gravé. Je veux que tout ça cesse comme un cramé. J'ai plus d'intestin pour te caner. Je suis plus vif que ton carré. La richesse veut pas faire signe. Pas de Lamborghini ici. Vieille caisse, c'est la Hesse. Clio 2, mais aussi. La beurette va te lâcher. Comme t'as plus d'oseille. Ton Merco est loué, ton Louis Vuitton fête Noël. Voilà que c'est la même année. Je vais te crocheter comme Stanley. Faites du business, vendez de la cesse. Mais arrêtez de stagner. Oud, oud, oud. On court après le luxe, la routine après les billets. T'as beau faire de la lutte, la frappe va te plier. Je rappelle ça m'amuse, faire la diff ça fait stylé. J'aime traîner dans mon oud, oud, oud. Crier dans mon oud, oud. Je l'ai traîné dans mon oud.